Bonjour tout le monde. Welcome to French Pod. I'm Erica. Et je suis Amaury. Bonjour, chers amis. We have an intermediate lesson. Oui, c'est vrai. We're going to go in the past again because, you know, this week is le 14 juillet. C'est la fête nationale en France, où c'est la commémoration de la Révolution française. So we're going to stay consistent and have one more episode of the historic events. Today, we're going to follow a little Marie Antoinette story. C'est ça, Erika. On se retrouve à Versailles. Le château de Versailles. Mm-hmm. And inside this château, there's a place called... Le Hameau. Which we could translate as the Hamlet. Mm-hmm. It's one of Marie Antoinette's little capricious inventions. Ouais. And in the dialogue, we're going to follow her and her valet on a walk vers... Le Hameau. Alors, on les retrouve tout de suite et on écoute le dialogue. Viens, Trébuchet, allons nous promener dans les jardins, vers le hameau. Vos désirs sont des ordres, ma reine. Tous les jours, c'est la même chose. Regarde, mon bon Trébuchet, cette ferme ne paraît pas authentique. Comment ça, ma souveraine? Qu'est-ce qu'elle veut encore? Il faut demander aux artisans de refaire tout ça, un peu moins propre. Je transmettrai vos consignes. S'ils ne sont pas morts de faim. Ici, je veux être proche de la réalité et me sentir comme une vraie Française de la campagne. Comme vous le souhaitez. Sauf qu'une vraie Française de la campagne n'a pas le millième de sa fortune. Ah, quelle chaleur! Allons prendre un rafraîchissement au château. Okay, so Marie Antoinette, you know, they used to call her la coquette. Ouais, qui se rapproche de capricieuse, hein, vos coquettes. I think we saw a little bit of why in this dialogue, right? So Marie Antoinette, this famous figure, she invited, hey, viens Trébuchet. Bon, on peut dire elle l'a invité, mais bon, c'est quand même la reine, donc c'est un peu elle lui a ordonné. Right, yeah, it wasn't really a request, it's kind of an order. Et donc leur direction, c'est le hameau. And how did they get there? En se promenant. So she invited him to se promener, take a stroll. Mm-hmm. Dans les jardins, pour arriver au fameux hameau. That was funny, before you said it, yeah, it wasn't really a request, it was an order, that's kind of what he said, well. Il lui répond cette expression, vos désirs sont des ordres. Your wish is my command, really. Would you say this today? Oui, ça peut encore être employé sur un ton ironique. Yeah, it's kind of like sarcastic. Mm-hmm, tout à fait. Like, would you say this to your girlfriend? Voilà, si je voulais l'embêter un petit peu... Okay. Je fais ce qu'elle veut, mais... And then under your breath, would you say what he said? Ouais, et après, je penserai ce qu'il a dit, mais je le dirai pas. Okay, yeah, you keep it to yourself. Ouais, donc tous les jours, c'est la même chose. Every day, c'est la même chose. Ouais. So now they're at le hameau. Voilà, ils sont arrivés à la ferme. Yeah, and she makes an observation. Elle fait observer à Trébuchet que cette ferme ne paraît pas authentique. The hameau was like a farm. Oui. The hamlet. Mm-hmm. Ne paraît pas... authentique. Authentique. Because she makes this farm, right? Yeah, elle n'existait pas cette ferme au départ. Right, and she wanted it though. This is her capriciousness. She want. This is a true story. She wanted it to look... like it was really the countryside. Ouais. So she brought in all these artisans. Ouais. To create it and make it look authentique. So she's like, oh yeah, there, cette femme ne paraît pas authentique. Ouais. It's not authentic enough. Et tout ce qui est marrant, c'est oui, voilà, au milieu du château de Versailles. Right, right in the middle of this amazing castle. She voilà. Wants an authentic looking, really old ferme from the countryside. De la campagne. Yeah. Ouais. So he's like, really, how's that? Comment ça, ma souveraine? Donc on a souveraine qui est un peu la même chose que marraine. Sovereign. Et encore une fois, il se dit tout bas, qu'est-ce qu'elle veut encore? Yeah, he's kind of talking to her one way and to himself to the side. Ah, oh, qu'est-ce qu'elle veut? Now what does she... Oui, parce que même si elle l'appelle mon bon Trébuchet, right. Il ne peut pas lui parler comme il veut, je crois. Right, yeah, he's got to pretend. So they must frequently go se promener, check out the hamlet where she finds more reasons... that she's not satisfied with the end results, mm-hmm, right? Yeah. But she probably makes these kind of ordres all day long. Tous les jours, c'est tous la même jours, chose. Je... So, qu'est-ce qu'elle veut encore? Elle veut que son valet demande aux artisans de refaire tout ça. Il y a tout ça là-bas qui n'est pas authentique. Voilà. Assez authentique for her anyway. Donc ça veut sûrement dire la peinture. Yeah. En tout cas, l'aspect. Yeah, so les artisans, the artisans. Voilà. So this construction demandait à quelqu'un de faire quelque chose. Voilà. When you want to ask someone to do something, demander à the person de do something. Now, Marie Antoinette, she said, il faut demander aux artisans de refaire tout ça, but how does she want them to refaire tout ça? Un peu moins propre. Oh, yeah, it's a little too clean. That makes it not look very authentique. Hey, on ne se croit pas à la campagne ici. That's right. In the countryside, une ferme authentique would be all dirty and have elements and paints chipping off, right? Sûrement, ouais. She wants it to look real. Forget the cost. So, does he do it? Or does he agree to do it anyways? Play Bouchet. Oui, il dit qu'il transmettra ses consignes. Transmettre is to transmit, but he's going to communicate to somebody. Voilà, oui. And so he's going to communicate her orders. Transmettre ses consignes. Is consigne and ordre the same thing? Oui, ce sont des choses qu'on demande de réaliser. Yeah, it's like orders. Hey, go do this, go do that. Voilà. Those are my consignes. On va dire consigne un peu moins fort qu'ordre. He's like, sure, yeah, je transmettrai vos consignes. Oui, mais là, il ajoute quelque chose. To himself, under his breath. Oui, toujours. S'ils ne sont pas morts de faim, les pauvres artisans. Donc, c'est l'expression mourir de faim. Die from hunger. Ah, je meurs de faim. Tous les jours, c'est la même chose. What? Elle ne mange pas à midi et elle meurt de faim l'après-midi. Well, I'm not hungry at lunch. But now, oh, je meurs de faim. So that can be figurative, but it can also be literal here. And this is where we get a little bit more insights into the historical context, because this is why people didn't like Marie Antoinette, right? Right. The people, ils mouraient de faim, because they were poor, there was a big gap between the rich, the nobility like her. C'était une période très difficile pour le peuple, yeah. Même en général pour l'État à ce moment-là, pour tout le monde, et surtout pour les pauvres qui, eux, vraiment avaient faim. And so, this is why they saw these things like her projects with the hamul as a capricious thing. Ouais. These people mouraient de faim, but, you know, for her, she didn't really care. She's like, hey, the reason that I want this place... Elle veut être proche de la réalité. And that's a little ironic, because she's kind of like totally has no sense of reality, right? Bien sûr. But she thinks that if she creates cette ferme authentique de la campagne, qui va la rendre proche de la réalité. Voilà, alors que là, c'est une absurdité, ce n'est pas possible. What does she think the reality is? Pour elle, c'est se sentir comme une vraie Française de la campagne. Yeah, like a real French woman de la campagne, from the countryside. It was her place, it was her refuge to leave the château de Versailles and just pretend that she was really... Une paysanne. Yeah, une vraie Française. And for her, that's even a little more important, right? Because she wasn't actually Française. Non, elle était autrichienne. Austrian. So he's like, you know, yeah. Comme vous le souhaitez. But he always has to have the last word, you know, even though she can't hear him. Sauf qu'une vraie Française de la campagne n'a pas le millième de sa fortune. Yeah, if she was really une vraie Française de la campagne, she would be pauvre. Elle ne se promènerait pas dans les jardins de Versailles. That's probably true. Sa fortune. Oui. Le millième, a thousandth of, meaning just even a fraction, really. If I had un millième de... Oui. C'est comme tu as dit avant, il y avait une grande différence entre les pauvres et la noblesse, les riches, donc ils n'ont même pas un millième. So now she's bored with it. Quelle chaleur! Oh. C'est bien un moment, mais maintenant, comme il fait chaud, il est temps d'aller prendre un rafraîchissement. Au château. Au château. C'est bien trébuché. Et maintenant, on réécoute ce dialogue. Viens, Trébuchet. Allons nous promener dans les jardins, vers le hameau. Vos désirs sont des ordres, ma reine. Tous les jours, c'est la même chose. Regarde, mon bon Trébuchet. Cette ferme ne paraît pas authentique. Comment ça, ma souveraine? Qu'est-ce qu'elle veut encore? Il faut demander aux artisans de refaire tout ça, un peu moins propre. Je transmettrai vos consignes. S'ils ne sont pas morts de faim. Ici, je veux être proche de la réalité et me sentir comme une vraie Française de la campagne. Comme vous le souhaitez. Sauf qu'une vraie Française de la campagne n'a pas le millième de sa fortune. Ah, quelle chaleur ! Allons prendre un rafraîchissement au château. This whole Hamel thing, it's just an episode in life of Marie Antoinette. Mm-hmm. To sort of show what she was like. Elle avait un peu cette attitude, mm-hmm. en fait. Parce qu'elle ne se sentait pas très bien non plus, toujours. Because she came from Austria. Quand elle avait 14 ans. Which is pretty young. Mm-hmm. Elle a été obligée de se marier. Yeah, with someone she didn't love. Voilà, le roi Louis XVI. And she was, you know, never really accepted as une vraie Française. So it's probably normal she would be so sort of wasteful and pas proche de la réalité. Tout à fait. Elle n'était pas, je crois que c'était une personne qui n'était pas très consciente. Of how things looked. And she was probably pretty sheltered too, you know, she was in this life and she didn't know what was probably going on outside. C'est vrai. Mm-hmm. Personne qui venait de l'aristocratie, de toute façon. So I wouldn't say that cette histoire avec le hameau was the reason that the revolution happened. But it was one. It was just one more thing kind of thing, wasn't it? Ça n'a pas facilité la situation. Parce qu'évidemment, le peuple, en voyant des choses comme ça arriver, ne comprenait pas ce qui se passait à la tête de l'État. Yeah, especially here because this cost an absolute fortune to recreate la vie de la campagne. Mm-hmm. They even brought in real peasants from the countryside to come live, to make it really look real. Tout à fait, les animaux aussi. And it cost a fortune, and people were starving. It ruins her image. Totalement, oui. Elle n'était déjà pas très bien vue, et donc ça n'a pas favorisé son image auprès du peuple. Yeah, especially that she would spend all this money and do all this just for fun. Mais c'est un peu le pire qu'on puisse faire aussi, parce que le peuple vivait dans ça, dans ses maisons, dans ses fermes, généralement. En plus. En plus. This was their life. Mm-hmm. And she's just for fun, recreating it. All right. And so this wasn't the only thing she did. There was a lot. This is one of them. Mm-hmm. A lot of little things like this, misinterpreted or... Ouais. Elle n'a pas eu les choix les plus judicieux. Yeah. If you have any questions about this lesson, come to Frenchpod.com. Oui, rejoignez-nous. Ah, Amélie, quelle chaleur. Oh là là. It's always so hot in here. Tous les jours, c'est la même chose. Allons prendre un rafraîchissement maintenant, alors. Ok, good idea. Au revoir. Salut.